D'acier, je vous retrouve et c'est vrai, on a évoqué le cas Cléopâtre, qui est effectivement le film d'ailleurs qui est intitulé, je crois, La Reine Cléopâtre, produit par Jada Pinkett Smith, on a dit sur ce plateau qui va d'ailleurs paraître d'ici peu. Mais il y a également dans cette même mouvance d'acier la récente sortie également de l'artiste Gims qui disait, je cite, pour reprendre effectivement et corroborer ce qu'a dit d'ailleurs le professeur, ils nous ont, je prends là juste un morceau, un extrait que de ce dernier d'ailleurs, je me refais au journal La Voix du Couat de notre consoeur qui a fait un brillant travail là-dessus. Si elle nous suit d'ailleurs, elle a toute notre considération. Aujourd'hui, j'ai plus envie de profiter à l'Afrique, me concentrer sur le continent africain à 1 million de pourcents. Je vais mettre en tout cas toute ma force sur l'Afrique. C'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui, voire plus que de la musique. Je suis un fan de l'histoire. L'Afrique a inspiré tout le monde, de Picasso aux grandes marques de luxe, ils ont tout pris, absolument tout en Afrique. Ils ont brûlé les bibliothèques. Voilà un extrait de la sortie de Gims qui lui a valu ce que ça lui a valu. Est-ce que l'histoire finalement de l'Égypte antique serait-elle finalement piégée dans une question raciale d'acier? Vous faites bien de poser le problème à en évoquant la question raciale. C'est ce que Cheikh Anta Diop avait dit. Vous m'accusez de parler race alors que c'est vous qui avez posé le problème de façon raciale. Maintenant, on cherche à démontrer la question de façon scientifique. Vous dites que non, mes réponses, mes résultats sont raciaux. Et chose, disons, idéologique. Donc, voici le problème. Ce n'est pas pour rien, il faut repartir loin pour dire à la jeunesse, ce n'est pas pour rien, Cheikh Anta Diop a sous-titré Nation Nègre et Culture, de l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. C'est très important, le sous-titre. Et quand vous voyez la question raciale, et quand d'abord on prend la question du peuplement, l'histoire du peuplement, les historiens le savent, quand on regarde l'histoire du peuplement, l'Afrique a été peuplée de l'intérieur et tous les peuples d'Afrique étaient des noirs. Parce que quand on dit noir à l'intérieur des noirs, il y a les degrés de couleur noire. Vous prenez de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, vous allez voir ces degrés-là. Maintenant, quand vous prenez aussi la profondeur, vous prenez l'histoire du peuplement, vous sortez, vous rentrez dans l'anthropologie. Ce qui fait l'unanimité et que personne ne peut discuter sur Terre, c'est le totémisme. Seuls les Africains ont les totems. Et dans les totémismes, vous avez des pratiques comme la circoncision et l'excision. Seuls les Noirs ont pratiqué la circoncision et l'excision. Aucun peuple sur Terre ne faisait ça. Les Juifs ont pris et ils ont envoyé en Europe. Et quand vous prenez la circoncision, lisez Voltaire, dictionnaire philosophique. Il en parle largement, que les Juifs ont pris ça avec les Éthiopiens. On connaît la position de Voltaire dans tout ça. Et quand vous quittez, c'est là, vous rentrez dans le domaine du droit. La société égyptienne et africaine n'est pas esclavagiste. Le mode de production n'est pas basé sur l'esclavage. Et le sommet des sommets, ce que les Africains ne comprennent pas aujourd'hui et qu'ils font des digressions, ils parlent des droits de l'homme. La civilisation africaine pré-coloniale, pré-islamique, pré-chrétienne ne connaissait pas de prison. Il n'y a pas de prison en Afrique. Voilà le faux débat qu'on mène sur les droits de l'homme sans chercher à rentrer dans les fondamentaux de notre culture. De l'Égypte antique jusqu'à l'Afrique précoloniale, on n'a pas connu de prison. On ne condamne pas quelqu'un en prison. Cela nous ramène à définir c'est quoi l'homme en Afrique, la notion de personne. Et des chercheurs français ont organisé un grand colloque publié sous le titre La notion de personne, où unanimement, avec le grand Vincent Thomas, on a dit que nulle part au monde, la notion de personne n'a été aussi élaborée qu'en Afrique noire. Et c'est la notion de personne qui définit les questions de religion, puisqu'il faut la vie après la mort. Et l'Afrique a conçu l'âme. Donc, quand on pose le problème comme ça, vous rentrez dans les débats culturels, vous vous rendez compte que non, en réalité, les gens mènent un débat idéologique. Donc, Cheikh Anta Diop va régler la question de façon raciale, puisqu'ils ont posé la question de façon raciale. Et maintenant, bien avant Cheikh Anta Diop, il faut remonter encore plus loin. le premier Africain, parce que si vous voyez que les Noirs américains, le film de l'autre, ils ont raison. Parce que la Renaissance africaine est partie aussi de Harlem. Il y avait ce qu'on appelle Harlem Renaissance. Bon, bien avant Harlem Renaissance, les Haïtiens avaient déjà abordé l'Afrique. Et ce qui est intéressant, comme ils ont posé le problème de façon raciale, à Bashe Kanta Diop, il y a eu Gobino. Et il y a un Haïtien, du nom de Antenor Firmin, qui a posé le problème aussi de façon raciale, de l'égalité des races. Et c'est le premier noir à poser la question de l'Égypte antique dans le corpus, ou si vous voulez, dans le prolongement de l'histoire africaine. Et vous comprenez pourquoi le livre de Antenor Firmin, de l'égalité des races, a été caché, donc oublié dans l'histoire. C'est tout dernièrement dans les années 2000 que des structures africaines ont vu le livre et ils ont décidé de le republier. Donc pour vous dire que l'Occident a toujours posé cette question civilisationnelle de façon raciale. Et aujourd'hui ça les rattrape parce que les Arabes qui par la suite vont venir en Afrique suite aux conquêtes islamiques, parce que c'est par le mouvement almoravide qu'il y aura un grand peuplement des Arabes en Afrique. Donc l'Égypte aujourd'hui qui réclame la civilisation de l'Égypte ancienne comme la civilisation de leurs ancêtres, va se mettre dans ce jeu racial là aussi. Et peut-être Mbélek peut revenir là-dessus, vous rappeler avec Zahi Awas, en tant que les chercheurs africains, des Africains l'avaient attaqué, quand ils voulaient même démontrer que tout un Camon est noir. Et au cours d'une exposition, Zahi Awas, c'était lui qui était le secrétaire de haute antiquité égyptienne. Donc, le problème aujourd'hui avec cette question de l'Égypte et avec cette question de racialisation, il est réel. Il est réel. Et les Noirs américains, vous savez que eux aussi, ils sont à la recherche de l'histoire africaine. Beaucoup cherchent. Donc, c'est la première fois même d'ailleurs que l'Afrique, dans cette question de l'Égypte, s'introduit et dans le débat. Parce qu'on ne veut même pas que les Africains en parlent. Et du point de vue racial, toujours, c'est pas anodin, puisque depuis qu'ils se sont accaparés l'Égypte, ils veulent pas que les Africains connaissent cette histoire. C'est de cette même manière aussi que pendant la colonisation, ils vont piller les objets culturels africains qu'on appelle les objets d'art pour aller maintenant enrichir les musées. Et aujourd'hui, c'est pour effacer l'histoire de l'Afrique. Et c'est ça qui justifie le projet de Cheikh Anta Diop de créer un laboratoire de datation afin qu'on écrive notre histoire dans la durée. Et c'est ça aussi qui a fait que Guy Zerbo a dit qu'il faut créer le CAMES pour ne plus avoir affaire à l'évaluation par la France. Donc voici comment le problème est posé. Et c'est pourquoi vous voyez avec l'écriture, quand l'UNESCO a eu le projet d'écrire l'histoire générale de l'Afrique, Cheikh Anta Diop les avait dit, vous ne pouvez pas écrire une histoire générale de l'Afrique sans trancher sur cette affaire de l'Égypte. L'ouvrage a été publié en 8 tomes, les gens peuvent aller consulter. Le tome 1, là, tome 2 est consacré à l'Afrique ancienne, tome 1 est consacré à méthodologie et préhistoire. Donc, vous allez voir que ils ont accepté que l'Égypte est africaine, tout le débat est terminé. Mais aujourd'hui, comme nous les Africains, on ne met pas l'histoire et la culture dans nos projets, ça fait que, bon, les gens sortent et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui contribue maintenant à nous recoloniser mentalement. Parce que le problème de l'Africain aujourd'hui, c'est mental. Comment nous allons essayer de voir le monde selon nous-mêmes, notre propre vision du monde? Donc la question de l'Égypte, ils l'ont posée de façon raciale. Et la question raciale aussi, il faut remonter plus loin. Je pense que Mbélé peut confirmer cela. Dans l'Antiquité classique, les gens n'ont pas connu le problème de racisme. Les Grecs, les Romains, ils n'ont pas discuté sur la race des Noirs comme les Européens le font aujourd'hui. Ils n'ont pas parlé en termes d'idéologie, les Noirs sont ceci. Ils ont théorisé sur la race en démontrant comment les Africains sont noirs, pourquoi ils sont noirs. D'autres disent que c'est le soleil, parce qu'eux, ils cherchaient à expliquer le fait qu'on est noir. Mais ce n'est pas une question idéologique comme aujourd'hui. Mais depuis maintenant, la question de l'apparition de la religion de la Bible, c'est ça qui va influencer maintenant la pensée européenne, qui va aujourd'hui être dans la pensée scientifique et politique, où l'Afrique est racialisée à tout moment, dans les discours. Mais nous, au lieu de poser le problème en termes culturels, en termes historiques, vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, où on dit on ne veut pas de l'Afrique noire. Moi, je dis, bon, c'est bien. Il faut qu'on nous fasse comme ça. Fallait que les Africains répliquent. Depuis quand les Arabes sont venus en Afrique, c'est en 648 qu'ils ont commencé véritablement à venir. Donc, l'histoire du peuplement est là. Et cette question de racialisation de l'histoire pose problème. Le jour que les Africains vont réhabiliter leur propre conscience historique, vous allez voir que la notion de race va finir. Parce que personne ne va encore s'aventurer. Et eux, ils luttent pour que la question raciale demeure. Parce que c'est la question raciale qui fait la domination idéologico-politique. C'est la question raciale qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain est malmené partout, mal vu. Parce que dans les religions, dans les livres dits saints, c'est là-bas que les gens tirent les sources. Mais quand on va dans la science, c'est contraire. Donc voilà pourquoi ils veulent nous donner des livres saints, on va lire, voir ça. Mais quand il s'agit d'aller dans la science, notre histoire, on dit non, faut pas aller là-bas, ce qui est dit là, c'est comme l'égyptologie. Aujourd'hui, on a mythifié l'égyptologie. Quand tu veux t'aventurer, d'autres même parlent de francs-maçons, rosicruciens, que non, c'est des trucs. Non, moi qui suis anthropologue, quand je regarde l'Égypte, je suis à l'aise. C'est des faits culturels. Moi, je m'intéresse aux rites funéraires. Quand je regarde l'Égypte et les rites funéraires africains, je suis à l'aise. Parce que quand on parle du jugement dernier, les Africains le font ça, le font. Donc, moi, je pense que c'est un sujet très important et vous faire bien de l'aborder aujourd'hui, surtout dans ce contexte-là. On a vu en Tunisie ce qui s'est passé. On a vu en Centrafrique comment on a monté les gens chrétiens, musulmans. On a vu même au Mali où les gens mènent le débat sur la laïcité pour dire aux Africains, tant qu'on ne va pas prendre la question historique au sérieux, et c'est pourquoi le premier article de Cheikh Anta Diop, politique, il disait, quand peut-on parler d'une renaissance africaine. Vous voyez, et tous les pays sont aujourd'hui dans la renaissance. Vous avez vu l'Inde, même s'ils sont en train de tronquer leur histoire. Vous avez vu comment le Brésil courtise l'Afrique pour parler de l'histoire de l'Afrique aux Brésiliens. Vous avez vu aujourd'hui la Russie, vous avez vu même l'Europe. C'est que le professeur Mbélé vient d'expliquer, la question de Macédoine là. C'est toujours la question de renaissance parce qu'on veut savoir si vous êtes des nôtres. Donc nous, Africains, c'est quand on va connaître cette histoire africaine que les questions tribales vont finir. Le tribalisme n'existait pas en Afrique. Le tribalisme n'existait pas et Mbélé peut le confirmer. Les gens vivaient, quand vous prenez tous les grands royaumes africains, il n'y a jamais eu un royaume mono-ethnique. Il n'y a jamais eu un royaume mono-ethnique. Tout était des nations. Les gens étaient ensemble. C'est pourquoi on a pu créer de grands espaces. C'est pourquoi on n'avait pas de guerres fratricides. C'est pourquoi on avait de grands rois. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les pays-là, les peuples-là sont à travers les frontières. Donc, c'est cette histoire qu'on doit reconstruire pour comprendre que nos parents ont vécu ensemble, nous avons la même culture, et qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette culture-là pour que ça soit une force. Tant que nous n'allons pas maîtriser notre histoire et notre culture, on serait toujours versé dans des crises ethniques, dans des crises religieuses qui ne nous apportent rien, mais en attendant, les autres avancent. Regardez le terrorisme, ça nous prend 10 ans. La Malaisie n'a pas pris 10 ans pour se relancer. Les quatre dragons d'Asie n'ont pas pris 10 ans pour se relancer. Mais nous, on est en train de faire la guerre. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental pour nous. Et je pense que c'est pour cela qu'Izerbo, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, les Mbélé, tous ces chercheurs africains ont travaillé sur l'histoire, les Bilolo. Tout le monde aujourd'hui travaille pour que les Africains connaissent leur culture. Donc, moi, je pense que ce débat-là, ça ne va pas aller loin sur la question de Cléopâtre. Même si on dit que Cléopâtre est blanche, ce n'est pas vrai parce que les pouvoirs qu'il a, si du point de vue africain, il n'y avait pas ce droit matriarcal qui peut permettre à une femme d'être régnante, reine régnante, Cléopâtre, dans le système européen d'alors, était loin, très loin du pouvoir. Parce qu'à cette époque-là, seule en Afrique, une femme pouvait diriger une société. Et l'Égypte en avait même avant Cléopâtre. Donc c'est ce droit-là qui a permis à Cléopâtre, le droit matriarcal, c'est ça qui a permis à Cléopâtre aussi d'être dans la société. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas le droit matriarcal, c'était le patriarcat. Vous voyez, et politiquement, la femme n'avait pas de droit. Et à ce niveau, Christian Desroches Noblecourt le dit, que les reines qu'on voit aujourd'hui en Europe, c'est un accident de l'histoire. Sinon, dans les cultures même, ça n'existait pas. Qu'une femme soit une reine régnante. Donc, moi, je pense que c'est un débat, ils vont commencer, mais quand on va leur dire d'organiser un colloque pour discuter scientifiquement, vous allez voir, ils vont se taire. Parce qu'ils savent que si on rentre maintenant dans le débat scientifique... Et ma professeur, rapprochez votre micro. Parce que ce que vient dit Dassé, tu vois, Dassé, qu'on est d'accord, hein. Le reste, comme a dit le président Bandakani. Bon, bref. Ce que tu viens de dire là, extrêmement important. Parce que moi, je fais beaucoup attention au côté mathématique. Ça, c'est extrêmement important. Si Cléopâtre, je te dis ce que tu viens de dire là. Si Cléopâtre avait été blanche, macédonienne blanche, elle n'aurait jamais été reine. Parce que Jules César ne l'aurait jamais validé. Jules César l'a validé parce qu'elle pouvait s'appuyer sur sa culture qui est égyptienne et pas macédonienne, puisque le côté macédonien la condamne à être reine. Elle ne peut être reine que parce que ça fait longtemps qu'elle agite, sont déjà dans la société égyptienne. Donc ils sont régis par le code égyptien qui permet à une femme d'être reine. Bravo. Merci. Ça, c'est mathématique. Donc les maths, la force des mathématiques, c'est que même sans éléments de preuve, à partir du moment où tu parles de preuves déjà reconnues, en raisonnant bien, ta conclusion est juste. Donc ça, ça démolit totalement l'hypothèse. Et ouais, ça valide l'hypothèse qu'on peut mettre une noire. Si ça... D'abord, un, c'est les noirs qui font leurs choses. Mmh. Deux, ça consolide une vérité qui n'est pas à exclure. Trois, ça donne leur fierté davantage aux Africains américains. Et c'est sans vol. C'est-à-dire qu'on a volé rien à personne là. Cléopâtre, l'hypothèse qu'elle était noire est beaucoup plus forte que l'hypothèse qu'elle puisse être blanche. Vous restez en veille pour Sir Jean Poubelec et vous souhaiterez en tout cas à votre guise apporter cette main des aimants deux réponses en plus sur ce plateau vous a nommé égyptologue et vous n'allez pas vous en cacher. Docteur Basilikine, finalement donc pourquoi réussir et maintenir autant de flou autour de la vérité vraie de l'histoire même de l'Égypte antique? Moi j'ai fait un peu d'économie. Je crois que c'est dans l'économie qu'il faut aller chercher une part de vérité. Une part de vérité. Parce que jusqu'au 18e siècle, il n'y a pas encore l'entreprise telle que nous la vivons aujourd'hui. Et donc, la richesse est plus dispersée chez les peuples. Or, à partir du 18e siècle, quand l'entreprise naît et qu'on constate que des familles peuvent amasser des richesses pratiquement à l'infini, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut voir 1884. C'est-à-dire que les grands pays européens se réunissent et disent « Nous, les Blancs, nous sommes supérieurs à tout le monde. » Et donc tous les pays-là, toute la planète doit nous appartenir. Et c'est comme ça que la décision est prise de coloniser, c'est-à-dire d'aller occuper ces pays et de les exploiter sans retour, sans contrepartie. Et au moment où ils décident de le faire, c'est déjà le libéralisme. C'est-à-dire les plus malins, les plus retors, les plus bandits peuvent s'accaparer de toutes les richesses d'un pays. Et aujourd'hui, on voit comment les Américains essayent de se battre pour que les richesses de la planète soient sous la commande, sous la domination et l'organisation des Nations Unies, c'est-à-dire des États-Unis, en fait. C'est pas pour rien qu'elle a été installée à New York. Hein, au sortir de la guerre, on aurait pu... C'était beaucoup plus de Genève qu'on parlait. L'ONU d'abord c'était à Genève, mais les Américains ont préféré attirer les Nations Unies, c'est-à-dire l'universalisme économique aux États-Unis sur le territoire qu'ils venaient d'arracher à des autochtones. Hein. Vous savez qu'il y a eu un génocide de 40 millions d'Indiens dans le continent nord-américain pour que les gens, les desperados, les personnes sans pensée, sans histoire, qui venaient d'occuper l'Amérique, puissent s'enrichir, s'accaparer de toutes les richesses de ces pays. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut démontrer que le noir est presque pas une personne? Parce que ça permet que des pays réunis à Berlin se décident que, bon, on va aller en Afrique, chacun va prendre une partie du territoire et il va l'exploiter. Et on ne peut pas le faire si on considère que ceux à qui on prend le territoire sont des humains comme les autres. Il faut donc démontrer, et c'est comme ça que les Voltaire diront, Dieu qui est si sage, on ne peut pas imaginer que Dieu qui est sage a pu mettre une âme, surtout une âme pure, dans des corps tout noirs. Donc il fallait démontrer que les Africains ne sont pas des hommes. Et c'est comme ça que la racialisation dont parlait tout à l'heure notre confrère qui parlait du Bénin, c'est du Bénin, hein? Des États-Unis, que la racialisation a été étendue. Évidemment, au moment de coloniser, ils sont allés aussi en Inde. L'Inde a été une colonie. La Chine n'a pas été totalement conquise, mais l'Inde a été totalement conquise. Et quand, en 1948, le Mahatma Gandhi dit « Nous voulons l'indépendance », la Grande-Bretagne croit que c'est une phobie, c'est une folie. Comment peut-on laisser les peuples inférieurs se diriger eux-mêmes? C'est ce qu'ils disaient en Grande-Bretagne. Eh bien, grâce à la non-violence, Gandhi arrache l'indépendance. Et à partir de ce moment-là, le libéralisme économique devient anthropologique. Il faut démontrer que la personne supérieure, c'est le blanc. Et les inférieurs, c'est les autres races, à commencer par le noir, parce que c'est ce dont le continent a vite, entre 1884 et 1950, toute l'Afrique est colonisée. Je veux dire, toute l'Afrique perd son indépendance au profit des nations européennes. Et à ce moment-là, il faut par tous les moyens démontrer que les Noirs n'ont pas pu faire des choses intéressantes dans le passé. Et c'est comme ça que Cheikh Anta Diop, le professeur Cheikh Anta Diop, aura toujours des difficultés à faire une carrière. Parce qu'il démontre que l'Égypte antique, là, c'est des Noirs. Et que toutes les découvertes qui partent de l'Égypte antique sont à la base du monde civilisé, occidental, industriel. Et par conséquent, il faut partir. Tous les moyens démontrer que les Africains ne pouvaient pas, les Égyptiens ne pouvaient pas être noirs, c'était des blancs qui sont allés là-bas et qui se sont enrichis et les Africains en ont un peu profité, mais on ne peut pas imaginer que c'est des noirs qui ont construit les pyramides, qui ont fait des inventions, qui ont le zéro dont nous parlions tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que, en fait, l'Occident, c'est le matériel, c'est la richesse, c'est l'argent. Il y a un noir américain qui a chanté « L'homme a tout inventé jusqu'au jour où il a inventé l'argent. » Avec l'argent, il capte toutes les richesses et il peut s'imposer à tout le monde. Et c'est comme ça que ça s'est passé, que aujourd'hui, quand on dit que l'Égypte a été faite par des noirs, ben, il y a des blancs qui sont vraiment convaincus que c'est un non-sens. Mais en réalité, quand on voit le cheminement de l'histoire, on constate pourquoi. C'est que, après avec l'invention de l'entreprise, la richesse quitte les familles pour se diffuser parmi les gens les plus bandits, les plus clever, comme on dit en anglais, vont créer des entreprises et ils vont devenir très riches. Et à partir de ce moment-là, il faut démontrer que si on occupe l'Afrique, c'est parce que les Africains ne sont pas des hommes comme les autres. Si on occupe l'Inde, c'est parce que les Indiens, c'est pas bon, ils ont des religions, mais... Et si on occupe la Chine n'a jamais été conquise totalement, hein, comme l'Inde l'a été, en tout cas pas par un seul pays. Pendant un certain temps, c'était tantôt les Anglais, tantôt les Allemands, tantôt... Mais la Chine n'a pas été totalement conquise et c'est comme ça que les problèmes des races qui ont été classifiés, hein, au-dessus la race blanche, ensuite les races qui se rapprochent des blancs, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, et tout en bas de la chaîne, il y avait les Noirs. Et c'est comme ça qu'il faut démontrer par tous les moyens que les Noirs ne sont pas des hommes comme les autres. Tout à fait. Et puis, les Afrique Média. Le monde, c'est nous.